وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 23 dans l'explication du livre Umdatul Ahkam et c'est le charh de Cheikh Abdullah Al-Bassam Rahimahullah. Et on est arrivé au hadith numéro 48 et c'est dans yani bab al-mawaqit yani mawaqit al-salat. Et le hadith qu'on va lire aujourd'hui, c'est le premier. Yani il dit wa an Ali radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. Donc on va traduire يعني les significations de ces différentes versions du hadith. Donc le hadith est rapporté selon Ali radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la bataille de Al-Khandaq. C'est lorsque les mushrikoun sont mis ensemble avec les juifs et beaucoup d'autres pour attaquer les musulmans à Médine, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit la tranchée sous le conseil de Salman al-Farisi. Donc il a dit le jour de Al-Khandaq que Allah remplisse leurs tombes et leurs maisons de feu, en parlant des mushrikins. De la même manière qu'ils nous ont empêchés de faire la salat al-wusta jusqu'à ce que le soleil se couche. Et dans une autre narration, qui est la narration de Muslim, il dit, ils nous ont distraits ou ils nous ont comme si occupés au point de manquer salat al-wusta, c'est-à-dire salat al-asr. Et étant donné que le soleil s'était déjà couché, donc ils ont prié salat al-asr entre le maghrib et l'isha. Et il y a une autre narration selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit que les mushrikoun ont retenu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de la salat de Asr jusqu'à ce que le soleil devienne rouge ou jusqu'à ce qu'il devienne jaune, c'est-à-dire yani jusqu'à temps que presque c'était presque le temps que le soleil se couche. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils nous ont empêcher de faire salat al-wusta, salat al-asr, la prière de asr, que Allah remplisse leur intérieur et leur et leurs tombes de feu. Hein? Que Allah remplisse leur intérieur et leurs tombes de feu. Ça, c'est une narration selon, hein, rapportée par l'imam muslim. Les termes qui sont mentionnés dans le hadith, Al-Khandaq, yani, يقول الشيخ أخدود يعني في غريب الحديث يقول الخندق أخدود حفره الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أحاط بشمالي المدينة المنورة من الحارة الشرقية إلى الحارة الغربية حيث كانت جموع العدو تحاصره سنة خمس من الهجرة. نعم. Donc c'est une tranchée que le messager d'Allah, donc Al-Khandaq, c'est une tranchée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait creuser avec ses compagnons dans le nord, hein, de la ville de Médine. Et c'était une tranchée qui partait de Al-Harra Al-Sharqiyya jusqu'à Al-Harra Al-Gharbiyya. Al-Harra, c'est quoi? C'est des roches volcaniques qui sont à l'est et à l'ouest de la ville de Médine. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un volcan, il y a eu une éruption, puis il y a des roches volcaniques qui ont recouvert une grande partie donc de la région de Médine. Et donc, on retrouve qu'à l'est et à l'ouest de Médine, c'est rempli de roches noires, de roches volcaniques noires. Et c'est donc des endroits, des passages dans ces endroits-là. Personne ne peut passer par là parce que c'est rempli de roches volcaniques coupantes. Hein. Donc les mouchriquins ne pouvaient pas venir par ces endroits-là. Donc les sahaba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé une tranchée de Al-Hara de l'Est jusqu'à Al-Hara de l'Ouest. Et donc l'ennemi ne pouvait pas les attaquer de cette direction là et donc il les attendait dans cette tranchée pour se défendre. Naam. Et on sait que on appelle aussi cette bataille, c'est de cette bataille dont on parle aussi dans Sourate Al-Ahzab. Dans le deuxième exemple que le cheikh il mentionne, le mot Al-Wusta, il dit Mu'annath Awsat. وأوسط الشيء خياره ومن ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا. Donc il dit al-wusta, c'est le féminin de awsat. Et awsat al-shay, quand on dit le awsat, awsat al-shay, le milieu d'une chose, c'est la meilleure partie de cette chose. Comme dans le verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit « C'est ainsi que nous avons fait de vous une nation, hein, du milieu, du juste milieu. » Mais c'est dans le sens de « Qu'est-ce qui est de meilleur ?» Qu'est-ce qu'il y a de meilleur ? Donc la meilleure des nations. Et il dit ensuite « Al-ma'na al-ijmali » le sens général de ce hadith. Donc on dit que « Salat al-wusta » en fait ici, là, c'est la prière de Asr. Prière du milieu. Donc il dit ensuite شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالمرابطه وحراسه المدينه وانفس وانف و انا نعم وحراسه المدينه بالمرابطه وحراسه المدينه وأنفسهم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فلم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بعد المغرب فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ أجوافهم وقبورهم نارا جزاء ما آذوه نعم جزاء ما آذوه وصحبه وشغلوهم عن صلاة العصر حتى التي هي أفضل الصلوات. Donc le cheikh il explique que les mouchriquins ont occupé le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons par le fait de surveiller et de défendre la ville de Médine ainsi que leur propre personne, hein, et que ça les a occupés au point que ils n'ont pas pu faire la prière de Al-Asr jusqu'à ce que le soleil se couche, et ils ne l'ont pas prié, lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas prié ainsi que ses compagnons excepté après le coucher du soleil. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations contre eux, qu'Allah remplisse leur intérieur et leur tombe de feu comme rétribution pour le mal et le tort qu'ils lui ont fait à lui ainsi qu'à ses compagnons, et pour le fait de les avoir occupés au point de ne pas pouvoir prier Salat al-Asr à temps. Et on sait que Salat al-Asr c'est une des meilleures parmi les prières. Le cheikh il mentionne, il dit ikhtilaf ul-ulama, donc les divergences entre les ulama au sujet de ce hadith. Il dit ikhtilaf ul-ulama fi al-murad bil-wusta allati hassa Allah ala al-muhafazati alayha biqawlihi hafizu ala al-salawat wa-salati al-wusta ala aqwal kathira وذكرها الشوكاني إلى 17 قولا وذكر أدلتهم وليس بنا حاجة إلى ذكر شيء من ذلك خشية الإطالة وقلة الفائدة المطلوبة. والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة وإليه ذهب جمهور السلف والخلف أن المراد بها صلاة العصر. وما عدا هذا القول فهو ضعيف, ضعيف الدلالة ساقط الحجة. Donc le cheikh il explique que les savants ont divergé au sujet de ce que signifie al-wusta, que Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé de préserver dans le verset 238 dans sourate al-Baqarah lorsqu'il dit yani gardez vos salawat, hein, soyez assidus dans vos prières, et la prière de Al-Wusta. Et il y a plusieurs paroles des ulama à ce sujet-là, et l'imam Shawkani, il en a mentionné 17 différentes positions, ou 17 différentes paroles des ulama au sujet de la signification de Al-Wusta. Et il a mentionné les preuves de chacun. Mais il dit, on n'a pas de besoin de mentionner tout ça pour ne pas que ce soit trop long, et parce qu'il y a peu de bienfaits dans le fait de mentionner tout ça. Mais il dit par contre, les hadiths authentiques qui sont clairs et explicites, ainsi que ce que la majorité des salafs parmi les ulama et les khalaf, ceux qui sont venus ensuite, ont pris comme position vis-à-vis de cette question-là, c'est que la signification de Salat al-Wusta, c'est Salat al-Asr, la prière de Asr. Et les autres paroles ou les autres opinions à ce sujet-là sont faibles dans leurs preuves. Et leurs arguments sont faibles. Ensuite, il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme règle dans la religion? Il explique que il dit ma yukhadhu min al hadith an al murad bis salat al wusta salat al asr lima jaa fi al sahihayn an ali qala kunna naraha al fajr hatta sami'tu rasul allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul yawm al ahzab شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال ابن الأثير سمعت الصلاة الوسطى لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أجرا ولهذا خصت بالمحافظة عليها. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce qu'on veut dire par صلاة الوسطى, c'est la prière de Asr. Et la preuve de ça, c'est ce qui est mentionné dans Al-Bukhari et Muslim, que Ali radiallahu anhu, il dit, on pensait que c'était Salat al-Fajr, jusqu'à ce que j'entende le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de Al-Khandaq, hein, le jour de Al-Ahzab, qui a dit: ils nous ont occupés au point de nous faire manquer Salat al-Asr. Il a dit, ils nous ont fait manquer Salat al-Wusta, Salat al-Asr. Et donc, c'est une preuve claire que Salat al-Wusta, c'est Al-Asr. Et il dit que Ibn al-Athir, un des ulama, il a expliqué que Salat al-Wusta, on dit de elle qu'elle est Al-Wusta parce que c'est la meilleure Salat et la plus, celle qui a la plus grande récompense. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a incité de façon plus particulière à être assidu à cette prière-là. Hein? Puisqu'il a dit, soyez assidus dans vos prières, dans vos salats, dans vos salawat, et en particulier Salat al-Wusta, il la mentionne après. Donc c'est pour dire que elle a un sens plus, une valeur plus importante. Il dit: وجواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من أدائها. Il dit le cheikh, comme deuxième point qu'on peut tirer de ce hadith là, c'est que il est permis de retarder la prière de son temps lorsqu'on est incapable de la faire dans son temps. Et ici on voit l'exemple, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été retenu de pouvoir faire la salat à temps, hein, jusqu'à ce qu'elle sorte de son temps, et il l'a fait entre le maghrib et l'isha. Troisième point qui est tiré de ce hadith: ولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف فإنهم أمروا أو أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا وركبانا. قال القاضي عياض: يعني أخرها قصدا وصلاة الخوف ناسخة لهذا. قال ابن حجر: هذا أقرب، ولا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي في حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. Donc il mentionne ici comme point que il est probable que cet événement se soit produit avant que la prière de la crainte ait été légiférée. Il dit parce qu'ils ont été ordonnés par la suite de prier, hein, qu'ils soient par exemple à pied ou sur une monture. Et la prière de la Salat al-Khawf, la prière de la crainte, de la peur, c'est yani la permission donc de prier la prière dans l'état dans lequel on est lorsqu'on est en guerre, ou lorsqu'il y a une guerre et qu'on a peur d'être attaqué par l'ennemi pendant qu'on fait la prière. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a permis, dans des situations de danger comme ça, de prier en marchant ou sur notre monture. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit farijalan aw rukbana, c'est-à-dire à pied quand on marche ou sur nos montures. Comme point, par la suite, il dit que Al-Qadi Iyad, il a dit de la retarder, il l'a retardé volontairement. Mais Salat al-Khawf, la prière de la peur ou de la crainte, est venue abroger cela. Et l'imam, il mentionne Al-Hafiz ibn Hajar par la suite, qui dit ceci est plus près de la vérité, en particulier du fait que il a été rapporté par Ahmad et An-Nasa'i dans le hadith de Abu Sa'id que cela était avant la révélation de la prière de la crainte. Le verset 239 dans Surat Al-Baqarah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit farijalan aw rukbana, c'est-à-dire en marchant ou sur votre monture. Ensuite, le point numéro 3, anna man zuhila an as-salah fi waqtiha yusalliha idha dhakaraha. Celui qui, le point numéro 3, c'est celui qui a oublié par exemple sa prière ou il a été préoccupé dans sa prière au point qu'il a oublié. Dans ce cas-là, il doit la faire lorsqu'il s'est souvenu, lorsqu'il s'en rappelle. Et il y a un hadith explicite là-dessus que si l'un de vous a oublié sa prière ou bien qu'il a dormi, alors qu'il l'a prie lorsqu'il se souvient ou lorsqu'il se réveille. Le point numéro 4, جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه لأنه قصاص. Le point numéro 4, la permission de faire des invocations contre l'injuste selon son injustice, car cela est une rétribution, c'est comme un talion. Et le point numéro 5, qui est le dernier point, قال العلماء فيه قال العلماء فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى بل لا بد من النص الوارد فإن ابن مسعود تردد بين قوله ملأ وحشاء ولم يقتصر على أحد اللفظين مع اتخاذهما في المعنى. Donc le cheikh il dit que les ulama ont dit qu'il y a dans ce hadith la preuve qu'on ne doit pas rapporter le hadith par la signification. C'est-à-dire qu'il faut donner le vrai terme qui a été employé et non pas la signification seulement. Et il dit qu'il faut absolument que ce soit le terme rapporté exactement. Car Abdullah ibn Mas'ud, il a hésité entre les deux termes. Il a dit mala'a et il a dit hasha. Et il ne s'est pas limité à mentionner seulement un des deux, en se basant uniquement sur la signification, mais il a mentionné les deux. Pour savoir qu'il hésitait entre mala'a ou hasha. Donc on peut pas, il se base là-dessus pour dire que on peut pas rapporter le hadith juste en se basant sur la signification. Donc ça c'est ce qui complète l'explication de ce hadith. Maintenant le hadith suivant. Donc le hadith 49 c'est le suivant. Al hadith at-tasi' wal arba'un an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج رأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أي على الناس أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة رواه البخاري ومسلم. Donc on va traduire le hadith, c'est rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a retardé salat al-isha jusqu'à à peu près le milieu de la nuit. Alors Omar radiyallahu anhu est sorti, il a dit « Ô messager d'Allah, les femmes et les enfants se sont couchés. » Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti et sa tête, c'est-à-dire on voyait des gouttes d'eau qui coulaient de ses cheveux. Alors, il a dit, si ce n'était que je ne voulais pas être trop dur, que ce soit trop lourd pour ma umma ou pour les gens, eh bien, je leur aurais ordonné de faire salat al-isha à ce moment, à cette heure-là. Donc, il y en a parmi les termes qui sont mentionné par le cheikh et que le cheikh explique, il y a le terme a'tama dans Gharib al-Hadith. Il dit a'tama dakhala fil atama wa hiya zulmatul layl wal murad annahu akhara salat al-isha ba'da dhahab al-shafaq فَصَلَّاهَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ. Donc, ça veut dire qu'il est rentré dans les ténèbres de la nuit. La nuit, quand elle devient noire, profondément noire, on appelle cette période Al-Atama. Et ça, c'est en particulier dans le langage des Bédouins, comme on l'a expliqué dans le cours précédent. Et donc, ça signifie qu'il a retardé Salat al-Isha jusqu'à ce que toute la lumière de l'horizon, la clarté de l'horizon soit complètement disparue et qu'il fasse complètement noir. Hein. Et la signification du hadith de façon générale, le cheikh il dit: تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء حتى ذهب كثير من الليل ورقد النساء والصبيان ممن ليس لهم طاقة لاحتمال على طول الانتظار والاحتمال على طول الانتظار فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الصلاة فقد رقد النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد ورأسه يقطر ماء من الاغتسال وقال مبينا أن الأفضل في العشاء التأخير ولولا المشقة يعني التي تناول منتظر الصلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة المتأخرة. Donc il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait retardé la prière de Isha jusqu'à ce que une partie de la nuit était déjà partie et les femmes et les enfants se sont déjà endormis et ce sont ceux qui ont moins d'endurance à supporter l'attente longue. Et Omar ibn Khattab est venu le voir et lui a dit, ô messager d'Allah, il faut faire la salat parce que les femmes et les enfants se sont couchés. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti de sa maison alors que de l'eau coulait de ses cheveux parce qu'il s'était lavé. Et en se basant là-dessus, on peut comprendre qu'il est meilleur de faire salat al-isha plus tard. Et il disait que si ce n'était que de la difficulté qui atteint la personne qui attend la prière, eh bien il aurait ordonné à sa umma de faire la salat à ce moment-là, c'est-à-dire plus tard, à un moment plus tard dans la nuit. Et le cheikh il mentionne les divergences des ulama à ce sujet. Il dit: ikhtilaf al-ulama اختلف العلماء في صلاة العشاء هل الأفضل التقديم أو التأخير وذهب إلى الأول جماعة من العلماء مستدلين بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقديم ولم يؤخرها إلا في أوقات قليلة لبيان الجواز أو للعذر ولو كان تأخيرها أفضل لواذب عليه وذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة أما كونه لم يداوم على تأخيرها فلم يمنعه من ذلك إلا خشية المشقة على المأمومين وقد أخرها ذات ليلة فقال إنه وإنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. Donc il dit que les ulama ont divergé au sujet de Salat al-Isha et que qu'est-ce qui est le mieux, c'est-à-dire ils ont posé la question: qu'est-ce qui est mieux, est-ce que c'est de le faire plus tôt ou de le faire plus tard? Et la première position de le faire plus tôt, il y a un groupe de ulama qui ont dit que c'était ça qui était mieux, et il se base sur l'habitude du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il, en général, il la faisait toujours plus tôt et qu'il ne l'a pas retardé excepté que quelquefois pour montrer que c'était permis ou bien pour une excuse quelconque, mais si c'était mieux, ils disent que si c'était mieux, il l'aurait fait de façon plus régulière. Tandis que la majorité des ulama, ils ont pris la position que le mieux c'était de la retarder en se basant sur ces hadiths qui sont nombreux et authentiques. En ce qui concerne le fait qu'il n'a pas prié la prière de Isha plus tard de manière régulière, eh bien il dit que ça n'empêche pas que ce ne soit pas la meilleure position. Le fait qu'il n'a pas fait ça de manière régulière, ça ne prouve pas que ce n'est pas la meilleure chose à faire, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué que qu'est-ce qui l'avait empêché ou qu'est-ce qui l'empêchait de le faire de façon régulière, c'est pour ne pas rendre la chose trop lourde pour les gens qui viennent prier derrière lui. Sinon, il l'aurait retardé à la prière d'Aïcha jusqu'à au milieu de la nuit, comme il l'a mentionné dans ce hadith et dans d'autres hadiths également qui disent que c'était ça son temps. Dans un hadith en particulier, il dit le Isha, c'est ça son temps, c'est-à-dire quand il est presque proche du milieu de la nuit, il dit c'est ça son temps, si je ne craignais pas que ce soit trop lourd pour ma umma. Il dit ensuite ma yukhadhu min al hadith, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Awalan anna al afdal fil Isha al ta'khir. Premier point, c'est que qu'est-ce qui est mieux par rapport au temps de la prière de Isha, c'est de la retarder, et que la difficulté ou le fait que ce soit trop lourd, ça c'est quelque chose qui empêche qu'on le fasse trop tard. Le point numéro 2, ثانياً أن المشقة تسبب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة. Donc, le cheikh il explique que ça c'est un principe dans la charia, parmi les règles de la religion, de l'islam, c'est que lorsque quelque chose est lourd et difficile, eh bien ça ça amène comme cause la facilité et le fait de rendre les choses faciles. Ça c'est une des règles dans la charia, que lorsqu'il y a une difficulté, on doit rendre les choses faciles. Le point numéro 3, annahu qad yakunu irtikabu al-amal al-mafdul awla min al-fadil idha iqtarana bihi ahwal wa mulabasat. Donc le cheikh il explique que il est possible que le fait de faire une action qui est moins bonne soit plus préférable que de faire ce qui est meilleur lorsque il y a des difficultés ou des choses pas claires qui sont reliées à la situation, aux différentes situations. Donc parfois on sait ce qui est meilleur, mais c'est mieux de faire ce qui est moins recommandé pour éviter quelque chose qui pourrait ramener plus de mal. Comme le cas ici où on sait que la prière de Isha, de la faire plus tard, c'est mieux, mais que si on la faisait trop tard, à cette heure-là, ce serait difficile pour la plupart des gens, et peut-être qu'ils ne pourraient pas assister. Donc dans ce cas-là, c'est mieux dans ce cas-là de le faire plus tôt pour que ce soit moins difficile pour les gens. Le point numéro 4, كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. C'est-à-dire à quel point l'affection et la miséricorde du prophète صلى الله عليه وسلم pour sa umma était complète et parfaite. Le point numéro 5, كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes et les enfants assistaient à la prière en groupe avec lui. Le point numéro 6, صراحه عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لإدلاله وثقته من من خلق من من وثقته من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, regardez comme en voulant dire, regardons, voyons l'exemple de Omar radiallahu anhu, comment il était direct et clair avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a confiance et il connaît, il a confiance en le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Point numéro 7. فيه دليل على تنبيه الأكابر الاحتمال غفلة أو تحصيل فائدة. فيه دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال غفلة أو تحصيل فائدة. Le cheikh il dit, il y a dans ça la preuve que c'est bien de porter une information à l'attention des personnes importantes et des grands, des personnes grands qui ont un statut élevé, parce que c'est possible qu'ils aient été insouciants ou qu'on puisse leur faire parvenir un bienfait quelconque, c'est-à-dire leur faire porter à leur attention un point bénéfique ou quelque chose qui serait bénéfique à savoir. Donc ça c'est qu'est-ce qui a été rapporté donc dans le hadith 49. Et donc, on vient de compléter par cela les temps des prières, al-mawaqit, le chapitre des mawaqit. Maintenant, on va passer à un autre chapitre qui s'intitule Babun fi shay'in min makruhat as-salah. C'est-à-dire un chapitre au sujet des choses qui sont détestables dans la salat. Naam. Donc on va lire ça ensemble au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.